Radio Vive, le son des habitants. La voix des habitants. Radio Vive. Alors, je suis avec Madeleine. Madeleine comment ? Morel. À la maison de quartier des Eaux Vives, on est le 16 juillet et on est là. Ah non, le 18 juillet. Et on est là ensemble pour discuter des 40 ans. Mais alors, moi, j'aurais une première question à te poser, Madeleine. C'est, est-ce que tu as une anecdote à me raconter sur la maison de quartier des Eaux Vives ? Alors, une anecdote pas rigolote, c'est-à-dire que, est-ce que vous savez que la maison de quartier, avant d'être la maison de quartier, était une petite usine de parfums ? Ah, pas du tout. Voilà, une petite usine de parfums, et le propriétaire de cette parfumerie, je pense que c'était pour mettre en bouteille du parfum, habitait à l'étage. Ensuite, ça a été terminé, et c'est la boirie qui a repris là où il y a le préau couvert. Hmm. La boirie a posé ses machines ici, dans le marché, sur le marché. Et ça, c'était en quelle année ? Alors, c'était juste avant que la maison de quartier ouvre en 83. Ah, voilà, c'est ça. Mmh. C'est juste avant. L'anecdote, c'est que en face, où il y a le théâtre Amstramgram, c'était un verger, avec pommiers, cerisiers, etc. Et l'architecte qui a fait, qui est très belle d'ailleurs, ouais, ce que je viens de dire. Le verger, tu dis ? Non, mais le théâtre Amstramgram, c'était un architecte réputé français qui est venu, puis on a parlé, discuté un peu avec lui, puis il y avait un très beau mur en pierre, voilà. Puis j'ai dit, vous allez pas. Il m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, on va pas l'enlever, mon œil. Mais ça, il pouvait pas faire je commence à perdre les pédales. Avec le mur, tu dis, ou bien... Oui, avec le mur. Il ne pouvait pas laisser ce mur quand il a fait ce... Quand il a construit le bâtiment, quoi, en fait. Oui, quand il a fait... Mais non, mais c'est le théâtre Amstramgram. Ouais. Il ne pouvait pas le garder. Ouais. Donc là, ça, c'était... L'anecdote pas terrible, c'est quand tu arrivais un matin, c'est moi qui ouvrais la maison, à 8h15, 8h30, une grue... Alors attends, tu nous dis juste que tu ouvrais la maison, mais peut-être tu peux nous dire, parce que nous on ne sait pas, qu'est-ce que tu faisais à la maison de quartier. Alors au départ, je suis disquaire, donc ça n'a rien à voir. Mmh. Au départ, Barclay Disque a fermé. Mmh. Et eux m'ont dit, écoute, mais je donnais déjà des coups de main à la rue du Simplon comme bénévole. Mmh. Je ne me rappelle plus ce que je faisais, mais je faisais des trucs là-bas. Et là, ils m'ont dit, écoute, je ne touchais pas le chômage parce que je ne travaillais pas assez. Mmh. Mais c'était pas financièrement, ça, j'arrivais à me débrouiller avec Michel, ça allait bien. Ils m'avaient dit, écoute, viens à la maison de quartier, tu vas t'occuper de faire les salaires des profs et les heures, etc. J'ai commencé comme ça. Ok. Donc, tu travaillais ici ? Je travaillais 2 heures, de temps en temps 2 heures, pour faire les profs, juste comme ça. Hein? Ok. Et donc, tu es venue ouvrir la maison de quartier et il y avait... Alors là, j'étais déjà au secrétariat. Ah, voilà. Et donc, il y avait une grue ? Il y avait une grue, quand je suis arrivée, qui est tombée sur le toit. Oula ! Ah ouais, sur le toit de la maison de quartier. Oui, au deuxième étage. Oh, c'était terrible, hein, moi. Puis un ouvrier, malheureusement, qui est tombé aussi, qui est mort. Alors ça m'avait tellement bouleversé. Et la maison a été fermée pendant un bout de temps. C'était au deuxième où vous avez vos bureaux. Il y a carrément un trou. Bon, ça s'est arrangé, et puis voilà, on n'en a plus vraiment parlé après. Il y avait... Ok, bah, sacrée anecdote, hein. Hein? Sacrée anecdote. Ah oui. C'était... Non, mais moi, j'étais tellement triste. Puis j'étais la première, parce que je voyais plein de gens qui étaient dans la rue des Volantes, les flics, les pompiers, enfin, tout. Je me suis dit, tiens, c'est très bizarre. J'arrive là en haut, boum. Mais personne n'a été blessé, parce qu'il n'y avait personne dans la maison. Merci pour cette anecdote, Madeleine. Depuis combien de temps tu connais la maison de quartier des Eaux Vives? Ben depuis 83. Oui, 1980. Non, mais ça va pas. Hein. Mais si, ça va. Mais je mélange chaud. Tout, je suis un peu impressionnée, j'ai l'impression. Ah ouais, alors il ne faut pas être impressionnée, parce que c'est juste moi, Sonia. Oui, je sais que c'est toi. Un micro, puis c'est pas très grave, mais... Mais ouais, bon, depuis toujours, oui, finalement. Voilà, c'est ça. Depuis la rue du Simplon, mm-hmm. et quand ils sont arrivés ici. Mm. Et est-ce que tu... Et en 1983, ils ont ouvert ici. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Et je la connaissais, pas encore celle-là, mm-hmm. je connaissais la rue du Simplon. Ok. Et elle... Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi, les changements que tu as notés, en fait, en 40 ans, j'imagine, tu vois? Ah ben, beaucoup de changements, moi, je trouve. Beaucoup de changements. Déjà, les animateurs qui ont beaucoup bougé. Il y a des animateurs qui sont arrivés, qui ne sont pas restés longtemps. Il y avait un peu des trucs un peu bizarres quand même, mais je n'ai pas envie de les raconter. Ok. D'autres changements, par exemple, comment c'était, en fait? Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment c'était la maison de quartier il y a 40 ans? Comment c'était? Déjà, c'était une nouveauté pour ce quartier. Ah, ouais. Et ils avaient un endroit où ils pouvaient venir, le jardin était ouvert, il y avait ces fameux dimanches en musique avec les petits déjeuners. Mmh. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde du quartier, beaucoup plus que maintenant, je dirais. Mmh. Et puis après, les centres aériens existaient déjà. Ils partaient en France à l'époque. Mmh. C'était une petite maison. Alors moi, j'accompagnais Valérie bénévolement. Je faisais à manger aux enfants. Les ados étaient toujours là. Les ados, avec Roland Bérance, qui a créé quand même pas mal de problèmes. Mais ça, on n'en parle pas, parce que c'est du passé. Okay. Ils s'occupaient des ados. Et je vois encore des ados dans le quartier maintenant. Des anciens ados qui sont devenus maintenant des adultes. Qui sont des adultes qui ont plus de 40 ans. Hein, ils ont un âge, je pense. Ben, oui, 50, oui, oui. Plutôt. Alors, je les interroge, puis je leur dis, mais vous vous rappelez de la maison de quartier quand vous veniez? Oui, oui, on se rappelle de Roland, ah, ouais. Avant qu'il passe. Mmh. Mais il me semble que c'était plus convivial, mais enfin, c'était moins, plus convivial. Comme maintenant? Moi, je trouve. Mais maintenant, ça devient drôlement convivial avec tout ce qu'ils font, les jolis qui varient, oui. Tout ça. Mmh. Ça, je trouve extraordinaire, je dois dire quand même. Mais avant, c'était un peu bon enfant. Et du coup, tu trouves que c'est moins bon enfant maintenant ou... C'est plus intello, je dirais. Non, mais comme ça, hein, ah, ça oui, c'est... De toute manière, c'est intéressant. Il n'y a pas de juste, de faux, de mauvais, de bien. Tu peux dire vraiment ce que tu penses parce que... Voilà, moi, vois, c'était ouais. Bon enfant, c'est vrai, parce qu'on se... Les animateurs, il n'y avait personne qui faisait... Il n'y avait pas de dame qui faisait le ménage, c'est eux qui faisaient, hein. Ils les voient encore avec leur balai et tout, hein. C'est ça, on pourra laisser ce message aux animateurs d'aujourd'hui. Oui, ça change, mais ça me concerne pas. En lien avec le avant, toi tu vis dans le quartier des Eaux Vives. Depuis toujours, voilà. Depuis 50 ans. Alors maintenant, comment c'était le quartier des Eaux Vives avant? Alors, il faudrait demander à Michel parce qu'il est né ici. Mmh. Il est né ici. Il faudrait demander à Alessandra. L'école des Volantes, c'était des petites maisons. Ah ouais. Et puis Michel qui est né dans cette maison-là, il montait en haut, il y avait encore des vaches. Alors, Madeleine, elle me dit, parce que quand je vais réécouter, elle me parle de la maison qui est accolée à la maison de quartier. Elle n'est pas accolée, ouais, elle est juste, ouais, oui, juste en face. Là, en oui. Face. Et du coup, là, il y avait Michel, son mari, qui vivait là. Oui. Ouais. Non, mais il est né en 1940. Ah ouais. Alors voilà, ça fait un bout de temps. Hein. Et tu vois d'autres changements dans ce quartier des Eaux Vives, vu que ah oui, il y avait plein de petits, il y avait plusieurs boucheries, il y avait plusieurs artisans, beaucoup, beaucoup, il n'y a plus. Et maintenant, ça s'est remplacé par C'est des fast-food, c'est des... Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça, c'est un peu comme les paquis, c'est la même chose. Il y avait plein de petits artisans, des menuisiers, il y avait Il y avait une droguerie, il y avait beaucoup de... il n'y avait pas encore la Grande Migros, ni encore la COP. Hein. Mmh. C'était Carandache, ça. Ah ouais, c'est ça. On m'a raconté, un habitant du quartier m'a raconté ça. Que c'était Carandache. Que c'était Carandache. Ouais. Il avait connu cette époque. 40 ans, c'est pas rien. Hein. Non. Et qu'est-ce que ça t'évoque, toi, les 40 ans de la maison de quartier des Eaux Vives? Je trouve que c'est, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est magnifique. Mmh. Ce qui s'est passé dans cette maison, ce qu'elle est maintenant, je trouve qu'ils font tellement de trucs incroyables. Par contre, les cours, c'est la même chose, sauf que maintenant, il y a du yoga et des choses comme ça. Mais Jai, par exemple, qui fait le tai chi. Oui. Alors moi, j'ai fait du tai chi avec lui aussi. Et quand il s'est présenté avec un animateur de je ne sais plus qui, il cherchait du travail. Et puis moi, j'ai répondu comme ça, mais il faudrait voir avec un animateur, mais je ne vois pas très bien. Par contre, je dis, on a besoin de quelqu'un pour faire le nettoyage. Et là, il était d'accord, parce qu'il a besoin de travailler. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé ici. Oui. Mmh. On faisait de la gym chinoise avec lui. Il y a des photos, il y a plein de photos en haut. Mmh. T'as regardé un peu les photos? Oui, oui. On va les regarder cet été. Ah, vous allez les regarder, ouais. Parce que là, il y a plein de photos, et de la semaine de compte, et de le cortège de l'escalade, mmh. Et nous, quand on fait de la gym dehors. Mmh. Et du coup, là, je reprends un petit peu ce que tu avais marqué, donc dans ton message. Est-ce que tu as des souvenirs, justement? On m'a dit de contacter Nadia Mayor, donc oui, tous ces gens. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu d'eux, quand même, ou bien? Ah. Moi, j'aime beaucoup Nadia Mayor. D'ailleurs, on se voit encore. Elle est devenue amie aussi avec Nadia, ouais. L'autre Nadia. Oui. Elle se voit. Il y avait Dominique aussi à l'époque. Okay. Dominique Stern. Et ce que je disais, c'est que ces animateurs, pas Dominique Stern, mais les quatre animateurs habitaient le quartier. Donc Valérie Dalle, Roland Béran, Nadia Mayor et Pierre Angelo Neri. Ils étaient tous dans le quartier. Mmh. Et ça, moi, je trouve que ça manque. Que les animateurs vivent dans le quartier. Oui, ouais. Moi, je trouve, parce qu'ils connaissaient tous les coins. Ils connaissaient les magasins, ils connaissaient les gens mieux que les animateurs. Je pense que tu n'habites pas le quartier, mais ce n'est pas un reproche. Non, moi, j'habite les Acacias, c'est vrai. Oui, c'est pas... c'est pas le même. Il y avait encore Catherine Vionnet, qui n'est pas mentionnée là-dessus, oui. Qui habitait aussi le quartier. Et puis après, on a eu des célébrités ici. Ah, il y en a eu. Vous avez qui? Mais Samy Canard. Ah, il était tout jeune. Il habitait le quartier, il faisait partie du comité. Incroyable, Samy Canard, il faisait partie du comité de la maison de quartier des Eaux-Vives. Oui, parce qu'il venait, il devait venir aux soirées. Quand il y avait ces associations qui faisaient à manger, ils venaient. On a eu Madame Somaruga, on a eu Somaruga aussi qui était venue écouter des contes. Non. Vous avez eu des partis de gauche, quoi. Ah, monsieur. Ouais. Moi, je suis de gauche depuis que je suis née, quoi. Tu disais que vous militiez pour des méthodes actives de cette école. Qu'est-ce que tu veux nous dire un peu plus de qu'est-ce que t'entends? C'était pas du tout traditionnel. Il y a des parents qui étaient tout à fait contre, hein, qui nous insultaient. Parce qu'ils laissaient... c'est comme Montessori un peu. Mais voilà, c'est ce genre. Les maîtresses, c'était devenu nos amis. Hein. Mais vous faisiez ça ici? Devant l'école. Devant l'école, on se faisait... Vous militiez pour ça? Ah oui. Mais vous étiez dans un mouvement, donc il n'y avait pas... c'était non, pas non, c'était pas une association de parents, c'était tout petit. Il y avait encore un ou deux monsieur qui étaient avec nous, mais qui ne militaient pas. Mmh. On militait parce qu'on avait le temps, nous, d'être devant l'école. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait comme activité à l'époque dans la maison de quartier? Il y avait les enfants tout le temps, il y avait les ados, il y avait des cours. Des cours de quoi? Eh ben, il y avait les cours de tai chi, il y avait le saxophone, les mêmes profs, hein? Ah ouais. Luciano. Donc des cours de piano. Des cours de piano, Luciano. Il y avait des cours de drum. Ouais. Ah, il y avait encore Sandrine Chic, j'ai oublié de noter. On le parlera dans l'enregistrement. Sandrine Nishi. Sandrine Nishi qui habitait aussi le quartier. Il y avait des cours de poterie déjà ? Oui, bien sûr. Avec avec quelqu'un qui est devenu très célèbre, son nom, je ne me rappelle plus, mais ça va venir. Et tu me dis aussi, il y avait des centres aérés déjà à l'époque. Bien sûr. Ok. Ça allait dans une petite maison en France. Alors, quand les enfants partaient en camp, par exemple, ou au centre aéré, c'était toujours depuis le préau de l'école des eaux vives. Ok. Pas depuis ici. Non. Pourquoi? Alors ça, c'est vrai, je suis en train de me poser la question, pourquoi? Mais il y avait des centres aérés, oui. Je ne sais pas s'il y avait 50 enfants, mais en tout cas, à un moment donné, ils avaient une maison quand même, où il y a Conches, ou à Jussy, ils avaient la maison de Jussy, qu'ils n'ont plus, c'est dommage. Il y a toujours, mais ils ont décidé de ne pas faire cette année. Mais elle est toujours, je crois, la maison à Conches. Ah oui? Ouais. Oui, mais Jussy, c'est pas la maison, non, c'est pas Conches. C'est Jussy, c'est à Jussy. Ouais, Jussy. Puis à Conches, c'est une petite maison où il y a le musée, ils avaient une petite maison, ils vont plus non plus, non? Non, je crois pas. Ben non, parce que là, ils ont décidé de rester par ici. C'est dommage. Ouais. Pour les enfants. Et autre chose, toi, tu n'y vas... Ils faisaient des camps aussi. Ils faisaient des camps, donc durant l'année. Ils faisaient des camps de neige. D'accord, donc ils partaient à la montagne pendant une semaine. Oui. Et il y avait peut-être un camp en automne, ça je ne suis pas très sûre. C'est, à l'époque, c'était déjà Jean-Yves qui s'occupait des camps. Donc Jean-Yves était déjà là, il était tout jeune, Jean-Yves. Jean-Yves est arrivé peu après l'ouverture, je crois, il faudrait voir, mais ça fait déjà un bout de temps. Il va avoir droit, comme toi, à un petit interview, d'accord. Jean-Yves. Ouais. Il était tout jeune, je pense, Je me rends pas vraiment compte. Parce que nous, on était aussi jeunes, relativement jeunes, alors pour nous, Vous êtes pareil, quoi, en fait. Ouais, j'adore ça. Tu m'as parlé des adolescents. Est-ce que tu veux me dire un peu quelques mots? Parce qu'aujourd'hui, ben, les adolescents, ils ne fréquentent plus vraiment cette maison. Parce qu'il y a une autre maison de quartier qui s'appelle La Source. Non, ce n'est pas une maison de quartier, c'est juste un local. C'est un local, voilà. Oui. Est-ce que tu veux me dire comment c'était avant avec les adolescents? Tout le monde trouvait qu'ils n'avaient pas assez de place ici. Eux pensaient qu'ils dérangeaient, mais pas du tout. Mais les ados, c'est des ados, quoi. Ça veut dire quoi? Les ados sont des ados. Mais c'est-à-dire qu'ils se déployaient, ils disaient ce qu'ils pensaient, ils étaient dans le préau couvert, c'était pas terrible. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé à un moment de donner un autre local. C'est en quelle année? Tu te rappelles un petit peu? Non, quand mais ça fait déjà un bout de temps. Je dirais que ça fait 15 ans qu'ils sont à la rue du Lac, mais je suis pas sûre. Mais parce que ça posait un problème ou bien... C'est ça? Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de place. Ah, ils n'avaient pas assez de place. Oui, pour manger, quand ils restaient là, ils faisaient à manger à la cuisine. Il n'y avait pas encore les repas du mardi, je crois. Enfin, ça, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il n'y avait pas les repas du mardi. Donc ça, tu m'as parlé. Alors, est-ce que tu veux me dire... Ah oui, tu avais dit les cours de musique, de poterie. Voilà les souvenirs. Et les cafés chromés. Alors, oui. En haut, vous devez avoir une grosse cafetière chromée. Tout en haut. En haut, elle est magnifique. Elle est encore là ou bien? Je regarderai après. Bien, elle a la cave. D'accord. Alors, elle était là sur le bord. Ok. Oh, mais elle est là. C'est ça. Ouais, elle est là. Mais à un moment donné, il l'avait enlevée. C'est celle-ci. Alors, je vais savoir, je vais comprendre. Ça, c'était les cafés chromés. Oui. Et c'était une machine à café, ça. Mais il ne l'employait pas. Ah, d'accord. Non, il ne l'employait pas. Ouais. C'était beaucoup moins bien agencé, le bar, etc. Alors là, il y avait beaucoup de monde, et ça fumait. C'est vrai, à l'époque, tu fumais partout, en fait. Moi, non. Non, mais les gens fumaient partout, en fait. Enfin, c'est-à-dire que le cuisinier, qui était anglais, mais on riait, lui, il fumait des joints. Et il y avait encore un gars qui s'appelait Bousineau, qui est devenu d'ailleurs un écrivain. Ah, Bousineau. Oui, Jean-Jacques. Ah ouais, c'est marrant. Il faisait de la musique, et lui aussi, il était là. Il faisait partie des ados au départ, puis maintenant, non, voilà. Alors, les cafés chromés, c'était extraordinaire. Dans le sens, tu veux nous dire un petit peu? Ah, mais ça, c'était joyeux. Il y avait des mondes partout. Les gens s'asseyaient même par terre. là, ils venaient chercher avec leurs enfants. Les enfants étaient les bienvenus, les enfants sautaient. Mais c'était formidable, vraiment. Et ça, ça a duré combien de temps? Ah, ça, je sais pas. Ouais. Et ça, donc, ça, c'était vraiment le principe du dimanche matin. Dimanche matin, à partir de 9h, je crois, ou 10h, peut-être, ou 11h. Ou ben, en principe, il devait dire que vous devez rentrer à la maison, mais personne rentrait, donc ça devait se terminer 2-3 heures. Ah ouais. Grand succès, tu dis. Ensuite, la semaine des contes, réputée dans tout le canton. Alors, tu veux bien nous expliquer, parce que... Alors, ça, c'est fondé à Nadia et Dominique Stern. C'est les deux qui organisaient ça. D'accord. J'ai leur nom, il faut que je les contacte, d'ailleurs. Oui. Ouais. Alors, ça se passait dans le quartier, dans des endroits incroyables. Une fois chez un boucher, une fois chez un coiffeur, une fois chez un garage, une fois dans l'atelier à Michel. Ils cherchaient des endroits tout le temps, ils devaient aller négocier avec les personnes. Et il y avait des chanteurs, des conteurs magnifiques, mais qui venaient de Bretagne. Hein. Ah, wow. C'était la pointure. Mais je crois que c'était... Petré chapeau à la sortie, mais ça, je ne me rappelle pas. Et ça, c'était en quelle année, tu te souviens? C'est aussi non. Tout au début de la maison de quartier, ou bien c'était plutôt... Non, mais ça, c'était... Oui, et puis il y avait le mouvement des aînés qui était là, qui occupait la salle, qui faisait aussi des comptes le vendredi. Il faut demander à Nadia. D'accord. Il y avait une lanterne toujours devant le lieu. On a entendu des contes, mais magnifiques. Et donc là, tu parles aussi du cortège de l'escalade avec les différentes écoles du quartier. Oui, ça s'était déguisé. Donc là, les maîtresses et les maîtres étaient d'accord. Alors, on partait depuis ici, on s'arrêtait au volant, les enfants continuaient le terminant, on allait à Montchoisy, continuait, on allait à la rue des Eaux Vives. Oui, la rue des Eaux Vives, on montait, il y avait le 31 décembre qui faisait partie. Tous les enfants étaient déguisés. Et nous aussi. Avec la maison de quartier, en fait. Oui. Ah, ouais. Et il y avait un orchestre, il y avait des orchestres, il y avait Sandrine Chi qui habite plus ici. Son mari, ils avaient un char qui crachait du feu, mais c'était impressionnant. Et je crois que les maîtresses n'ont plus voulu. Parce que... Alors ça, il faut demander aux animateurs. Hein. Il y a Jean-Yves était déjà là. Ouais. Et donc, tu dis aussi le bal déguisé à la salle communale des Eaux Vives. Ah, et oui, ça, c'était le bal déguisé de l'escalade. De l'escalade. Mmh. Alors, les gens du quartier, enfin, les gens qui étaient déguisés venaient aussi. D'ailleurs, il y avait un orchestre. Il faut demander à Nadia, elle avait un gars qui la draguait. Nadia, notre Nadia. Oui. On faisait un orchestre rock et puis on faisait des hot dogs, ça je m'en souviens, et des sandwichs, on vendait ça, voilà. Tu dis qu'il y avait aussi les soirées repas du vendredi soir avec les diverses communautés du quartier. Oui. Alors ça, c'est qui organisait? C'était aussi un animateur? C'était les animateurs et... ils allaient consulter les gens, ils savaient, là il y avait certaines communautés, les Iraniens, qu'est-ce qu'il y avait, les Espagnols, je ne me rappelle plus tout le monde. Les Italiens, tellement... je pense. Oui, les Italiens, mais il fallait qu'ils viennent, hein, parce que, ils devaient payer un petit peu les gens quand même, hein. C'était pas gratuit. Pour les repas. Je crois que c'était 10 francs. C'est là qu'on a vu... Somaruga et sa femme. Oui. Alors après, tu dis des activités. Il y avait les caisses à savon, le bonhomme d'hiver. Non, il n'y avait pas de bonhomme d'hiver. Ah non, c'est marqué. Bonhomme d'hiver, marron chaud. Oui, non, mais je crois qu'il n'y avait pas de bonhomme. Ils n'ont jamais brûlé le bonhomme d'hiver. Mais par contre, il y avait les marrons chauds. Et il y avait la soupe de l'escalade qu'on pouvait venir manger ici. Et le rallye dans le quartier aussi. Alors ça, c'est une autre chose. Je crois que c'est Joël qui avait organisé dans des lieux insolites. On avait un plan comme ça. Puis il fallait trouver les endroits et puis on avait un tampon. Hmm. Et si on avait fini avant, je ne sais pas quoi, on devait recevoir quelque chose, je ne me rappelle pas quoi. Mais est-ce que, du coup, en discutant avec toi, moi je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui étaient vers l'extérieur. Oui. Est-ce que tu ne trouves pas que justement la maison de quartier s'est un peu repliée comme ça, un peu vers repliée, oui et non. C'est-à-dire que le quartier a tellement changé que... Mais ils vont encore au bord du lac, non? Avec les enfants. Oui, mais tu vois, par exemple, tu parles... d'activité où tout d'un coup vous faites un rallye dans le quartier ou bien vous ça allez... c'était la première ouais, fois ouais. C'était peut-être pour les 30 ans, je sais pas, c'était un rallye et les gens qui connaissaient pas du tout le quartier non plus, mmh. les animateurs non plus hein, mmh. parce que derrière là il y a derrière Villereuse il y a tout un quartier qui est magnifique. T'es jamais allé? Non. Il y a la maison, la maison en verre, il y a des choses magnifiques là-bas derrière. Mmh. Tu vois où il y a la Migros? Oui. Tu traverses et tout ce quartier est extraordinaire. Ok. Faut que tu ailles voir une Mais fois. Mais juste derrière, donc tu as la Migros. La Migros, tu traverses. Ok. Complètement, et derrière, il y a tout un quartier. Ah oui, on allait vers le Square Agas, ça? Donc, quoi? Vers le Square Agas, tu vois où ça? Est-ce que c'est par là-bas que tu dis? C'est en montant, après, c'est entre la gare des Eaux Vives et au-dessus... non, c'est pas là. C'est pas là? Non. Okay. C'est sur la route de Chêne, je crois, ou route de Frontenay, route de Chêne. Il y a la Migros, tu traverses ouais. complètement et tu vas voir, il y a plein de petites maisons. D'accord, alors j'irai voir. Oui, c'est très très beau. Ok. Comment tu souhaiterais voir cette fête d'anniversaire des 40 ans? Ah, justement, je vous laisse le choix. C'est vous qui savez comment vous voulez faire, c'est pas moi. Mais toi, tu aurais des envies particulières? Ben, que la maison soit ouverte à tout le monde, qu'on puisse visiter, qu'on puisse manger dehors, qu'on puisse visiter la maison, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas ce qu'il y a en haut, hein. Mmh. Et des choses comme ça. Et justement, ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'on avait fait, avec un DMS, qui avait fait des tableaux extraordinaires, un accrochage là. Ici. Oui, c'était magnifique. Alors, Nadia en a acheté un, moi j'en ai acheté deux. Et les petites dames étaient là pour venir voir. C'était surtout de la peinture. Ah. Mais extraordinaire. Mais je ne sais plus quel EMS c'était. Et parce que là, je pense qu'il faudrait aussi un peu travailler avec toutes ces associations qui sont dans le quartier. Il y en a pas mal, non? Tu dis, tu trouves que vous travaillez, enfin, la maison de quartier avant travaillait plus avec des associations qui étaient dans le quartier? Là, je pense, oui. Là, je pense. Et tu penses que c'est le fait que le quartier se soit densifié, qu'il y a de plus en plus de personnes? Peut-être, ou peut-être que ça ne les intéressait pas. Moi, je ne sais pas hein, comment ils. Mais moi, je trouve, hein, ils allaient beaucoup à l'extérieur. Ouais, c'est ce que tu me dis. Et justement, je voulais parler avec toi un petit peu de cette caravane qui se déplaçait dans le quartier. Parce que je ne sais pas si tu sais que cet été, on est allé avec Clément. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'avait engagé ici à la maison de quartier. On s'est baladé avec une charrette. Oui, j'ai vu. Et alors, ça marchait? Bah, écoute, les gens étaient quand même hyper contents et demandeurs quand même. Mais il y en a... Enfin, ce n'était pas toujours simple d'aller aborder les gens, d'aller discuter non, avec eux. Parce qu'avec moi, j'avais... Cette caravane, elle était au bord du lac. Ça marchait bien. Il y a les ados qui la tenaient à un moment donné. Mmh. Alors là, ils se faisaient un peu d'argent, etc. Mmh. J'étais allée voir Dominique au Tulipier. Il n'y avait personne. Mmh. Mais ce qui s'appelle personne. Pourtant, ils avaient fait la pub un peu partout, dans les boîtes à lettres, un peu dire qu'il y avait, parce qu'il y avait un grill. Elle avait pris un grill. Les gens pouvaient griller. Il n'y a jamais personne qui est venu. Dans la roulotte? Non. Ah ouais. En dehors non plus, elle avait mis des tables, des chaises, puis cette roulotte était hyper lourde pour l'âge. Non, je crois, peut-être qu'au bord du lac ça marchait, mais je crois qu'autrement, pas tellement. Qui c'est qui pourrait me dire un peu ce projet, comment il a marché ou pas? Ici, qui c'est ce projet de la roulotte? Ouais. De la roulotte. Ça, un peu. Mais ils s'imaginaient, je crois, que les gens allaient se précipiter et venir au bord du lac. Je pense qu'ils sont quand même un peu venus. Au tulipier, non. Mais je sais, ils l'ont mise au parc aussi. Et les gens ne venaient pas? Ben, ils venaient regarder, mais voilà, ils ne s'intéressaient pas plus que ça. Je pense qu'il y a plus de monde qui, quand il y a la rue est à vous, avec leur stand, plus de monde là qui s'intéresse. Je pense. Mais est-ce qu'ils proposaient des activités dans cette roulotte ou pas du tout? Non, il y avait un grill, on pouvait acheter des boissons, je pense, à l'époque. Il y avait un grill, puis s'asseoir, quoi. Ah ouais. Et discuter, rencontrer les gens. Oui. Comment est-ce que tu vois, toi, la suite de cette maison de quartier? Je la vois magnifique. Non, avec les animateurs, c'est vrai que ça, je trouve que ça marche bien. Après, il y a eu plein d'histoires entre animateurs. Enfin bon, on ne veut pas en parler. Ça ne me concerne pas. Mais il me semble que vous vous entendez pas mal. Que ça se passe assez bien. Alors, bon, que la maison de quartier vive encore longtemps. Toi, tu es content des activités. Toi, tu viens... Pour quelle activité d'ailleurs ici? Alors bon, on vient pour les grillades puisqu'on est responsable avec Michel, ça fait ça. Bon, après les sorties montagne, alors ça marchait aussi. À l'époque, il y avait les sorties montagne, c'était tout à fait différent, ils avaient un petit car, Pierangelo conduisait, les gens montaient, puis il leur payait leur abonnement de ski, la maison de quartier. Ça tient pas debout, mais enfin c'était comme ça. Alors c'était, et quand ça a débuté les sorties montagnes, ça a été un grand succès. Les gens étaient vraiment très contents. Ils sont encore là, ils nous disent encore bonjour. Ça, je trouve que ça marche très bien. Et toi, tu m'as dit que tu participais plus trop parce que... Non, mais je ne peux pas, je peux pas. Mais donc toi, tu viens quand même pour les repas. Je suis toujours bénévole pour les repas, une fois par mois. Les grillades. Je vais au cinéma avec les enfants, avec Jean-Yves, un vrai bonheur. Ça, il n'y avait pas, hein. Il n'y avait pas le cinéma à l'époque, ou bien? Il n'y avait pas de cinéma pour les enfants. Moi, je ne me rappelle pas, en tout cas. Et les enfants ont beaucoup de plaisir. Mais ça, c'est toutes les maisons de quartier qui viennent, hein, au Ciné Primes. Oui, c'est ça. C'est au Scala. Oui, au Scala, oui. Ben voilà, je crois qu'on arrive. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, toi, sur ces 40 ans. Non, j'espère que vous allez... Une expo photo, ça serait sympa. Ah ben. Avec toutes les photos de la maison de quartier. Oui, qui sont en haut. Oui. Il y a plein de photos, je crois. On m'a dit, elles sont dans le bureau de Noémie. Voilà, là, il y a vraiment des photos et du bal. Je sais pas, elle n'était pas encore là, Noémie, mais enfin, de l'escalade, et du café Gromé. Je suis sûre qu'il y a des photos du café Gromé. Ouais, et des contes aussi. Ouais. Parce que peut-être ce qui serait sympa aussi, c'est... toi, tu es un peu là pendant cet été? Oui. Parce que si je trouve quelques photos, ce serait sympa qu'on discute un peu autour de quelques photos, non? Ouais. Parce que ça... Ouais, moi, je me rappelle de plein de... Oui, c'est vrai, il y a plein de gens bon, qui ne sont plus là, malheureusement. Mais... Roland a posé pas mal de soucis. Hein. Ouais. L'animateur qui était là? Roland Bérance. C'était ça. Et après, il est allé au Crado. Ben, il a détourné un peu les trucs. Okay. Hein. Ouais, ouais. Enfin, moi, je l'aimais bien. Okay. Bon, il est décédé maintenant. Mais c'est dommage. Parce que ça a créé beaucoup de soucis, ou bien... Oui. Beaucoup, beaucoup. Ah ouais? Oui. Mais c'était quelqu'un qui avait besoin d'argent. Lui, l'argent, ça lui brûlait les doigts. Alors, il a fait 2-3 trucs pas sympas, quoi. Alors, il y a une historique dans cette maison de quartier, un peu. Qui ça? Il y a un historique dans cette maison de quartier, non? Oui. Non, mais il y a eu plein d'animateurs, il y a eu plein de gens du comité qui sont venus là. On ne sait même pas pourquoi ils étaient. C'était pour marquer sur leur CV qu'ils faisaient partie du comité. Hein. Ils sont venus 2 fois, puis on ne les a plus jamais revus. Michel faisait partie du comité, hein, moi-même. Et là, le comité actuel, ça fait un petit moment qu'ils sont là? Je ne les connais pas très bien, je dois dire. Jérémy, tu connais? Oui, Jérémy. D'ailleurs, il te salue bien, là, il m'a dit. Il est en haut, en train de travailler. Il est... Ah oui? Ouais, il est en train de travailler avec Samuel. Il dit qu'on était en bas. Ah oui. Ouais. Alors bon, il y a Jérémy, après... Edna, tu vois qui c'est? Edna Politi? Non. Non, mais justement, moi, on ne les connaît pas très bien parce que je les trouve qu'on ne les voit pas souvent. Ok. Et je trouve qu'avant, ils étaient plus présents. Ils venaient, ils participaient plus. Oui, à la ils participaient, oui. Moi, je trouve, hein, mais maintenant, voilà. Ouais. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour moi. Mais que vive la maison de quartier. Ouais. Qu'elle vive encore longtemps. Oui, on lui souhaite encore bien 40 ans, même plus, non? Ouais, ben moi. à la maison de quartier, oui, pourquoi? Mais oui, pourquoi pas. Oui. D'ailleurs, quand je parle à mes amis, parce que je travaille longtemps à Zurich, j'ai habité à Zurich, il n'y a pas de maison de quartier. Il y en a une peut-être pour toute la ville. C'est Genevois ou bien... C'est Genevois? Moi, je crois. Moi, je crois que c'est Genevois, que chaque quartier est une maison de quartier, c'est extraordinaire. Ouais, c'est assez fort. Et même, à la, même au Petit Lancy, il y a un animateur qui travaille là-bas. Un peu partout, il y a des maisons de quartier. Moi, je trouve ça formidable. Mais d'ailleurs, quand tu m'as dit un petit peu, à l'époque, toi, tu étais là au début. Donc, qui a décidé d'ouvrir cette maison de quartier? Ah, c'est les animateurs. Ils ont discuté avec la ville. Ah ouais. Parce qu'avant, la rue du Simplon, c'était compliqué. Hein. C'était vraiment compliqué. Il y avait une salle et il y avait un gars qui donnait des cours de guitare. Puis à part ça, les enfants, ils venaient jamais là. Ils devaient toujours aller à l'extérieur avec eux. Non, non, c'est un... ils ont une chance énorme. Puis elle est tellement belle, cette maison. Ah, elle est magnifique. Avec ce jardin, mais c'est extraordinaire. Mais du coup, c'est des gens qui se sont regroupés ensemble, qui ont contacté la ville, la phase... Je pense qu'ils ont recontacté la ville. Et il y avait Samy Cahin qui était déjà... Il faisait déjà de la politique. Je pense que peut-être il a un peu poussé le bouchon, je ne sais pas. Mais ils leur ont donné cette maison. Hein. Ok. Ouais. Il y avait tous les pontes qui étaient là. En 83, je m'en souviens, j'avais aidé à mettre des tableaux. Et il y avait tout Genève, n'est-ce pas? Qui était ici. Oui. Non. Non, moi j'y tiens, cette maison de quartier, je la défends. Même si les histoires, c'est un peu triste, mais ça fait rien. Tu la défends parce que tu trouves que c'est... Bah, pour toi, une maison de quartier, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qu'elle est maintenant. Tout le monde peut venir. Les enfants, les adultes, les aînés, les gens qui sont... Mais les gens qui sont tout seuls ne viennent pas tellement. Mais comment ça se fait? Les femmes, oui. Les hommes, vous voyez, les hommes, il n'y en a presque pas. Bon, ils vivent moins longtemps. Non, c'est pas la question de vivre moins longtemps, ça ne les intéresse pas. Il y avait un monsieur, l'enfant, lui disait « venez, venez », puis dès qu'on lui a dit qu'il devait aider à débarrasser la table, il n'est plus jamais revenu. Non, c'est vrai. Ah, ça, c'est les... c'était l'époque comme ça. Voilà. Ouais, non, mais les gens sont contents. Il y a eu beaucoup de gens qui ont passé par là, par cette maison, qui se souviennent encore. Il y en a qui sont décédés, malheureusement. Et des anciens... qui me disent encore bonjour dans la rue, puis je ne me rappelle plus qui c'est, moi, je veux dire. Hein. Et toi, tu as eu des enfants? Une fille. Qui venait ici en maison de quartier? Pas souvent. Si, elle est venue à des centres aérés, mais elle n'aimait pas trop, non. Bon, bah. Ouais, c'est des goûts et des couleurs. Moi, j'étais très peu aussi dans les maisons. Elle n'aimait pas les camps. Si, elle était au camp avec je ne sais plus quelle... association, ils allaient faire de la voile, je sais pas quoi. Mais elle aimait pas trop. Et toi, donc, tu as travaillé, après, tu es resté là au poste de secrétariat pendant combien de temps? Alors, comme je suis venue tout au départ, après, qui c'est qui était secrétaire avant moi? Finalement, je me rappelais pas. Finalement, on m'a filé des petits boulots de temps en temps. Et après, je m'occupais des salles, mais je ne suis pas une vraie secrétaire, moi. J'ai appris sur le tas, j'ai appris l'informatique, je faisais les cafés. Puis à l'époque, la maison de quartier organisait des voyages. Ah, mais comment ça? Oui, ben ça, ça n'allait pas du tout. Elle organisait des voyages. Des voyages avec Roger Giraud, ah ouais. Et avec qui j'ai travaillé longtemps, avec qui on a fondé une association qui s'appelle Escapade, donc je pense qu'on a déjà entendu parler. Oui, oui. Oui, ils continuent à faire des voyages et des balades. Et après, ils l'ont dit, maintenant, Roger, ça suffit, on peut pas, une maison de quartier ne peut pas organiser des voyages. Alors moi, là, je faisais les factures et les inscriptions et tout. Mais c'est-à-dire qu'alors les gens qui voulaient partir en voyage... Ils passaient par là, on a fait des voyages extraordinaires. Hein. Mais genre, t'as des exemples ou bien... Comment? T'as des exemples de voyages à me dire enfin, mais, je les ai à la maison, oui. On allait surtout en France. Et une semaine, et on pouvait choisir plusieurs trucs, et ça on a continué avec Escapade, c'est-à-dire que les gens pouvaient soit marcher, soit rester à l'hôtel, voilà. Mais c'était magnifique. Et après, qui a décidé? On a dit... Les animateurs. Ah ouais. Parce que chaque fois que Roger revenait, il lui disait « T'as passé de bonnes vacances ?» Alors que accompagné à un voyage... Oui, mais c'était pas le but d'une maison de quartier. Il n'y a aucune maison de quartier qui organise des voyages. Aucune. Sauf les eaux vives. Non, mais c'est vrai. Je pense que ça coûtait trop cher, quoi. Ouais, ben j'imagine. Et puis, ça coûtait pas cher parce que c'était équilibré. Mais c'était les heures de l'animateur. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire qu'ils organisaient jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000, ah ouais. Peut-être pendant 10 ans. Il faudrait que je regarde. J'ai les voyages à la maison. Et comme après on s'est arrêté, on s'est dit qu'on allait Roger, Michel, je ne sais plus qui encore, on a essayé de fonder cette association qui s'appelle Escapade, qui a 150 membres. Ah ouais. Et là, je me suis occupée jusqu'à il y a 7 ans. Aussi des factures, aussi des inscriptions et de l'accompagnement. Que des bons souvenirs. Ouais, c'est ça. Et puis tu trouves que c'était plus... Il y avait plus d'enfants à l'époque ou ben, il y en a toujours... C'était quoi? Il y a toujours autant d'enfants qui viennent ici en Non, il me semble qu'il y en a plus. Hein. Il y en a plus? Il y avait moins à l'époque? Moi, il me semble, oui, il me semble. Et quand je vois les familles, il y a beaucoup, beaucoup de familles que je vois maintenant qui ont 3 enfants. Je suis toujours étonnée. Non, mais c'est vrai. Hein. Il y avait moins d'enfants à l'époque, tu penses? Non, ben, dans les campagnes, on ne discute pas. Hein. Ouais. Mais en ville, il me semble que 2, ça devait être un peu la norme. Hein. Là, maintenant, ils sont 3, 4, sans problème. Les mamans travaillent. Je sais pas comment elles font, mais... OK. Ben, merci, Madeleine.